Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet pour encore une émission enregistrée à la maison. C'est la 15e en home recording depuis le début des confinements, parce qu'on parle des plus loin confinements. Et c'est la saga des Fab Four numéro 473, c'est pour confiner. Le jour où vous allez ouvrir cette saga, j'espère qu'on sera le 25 novembre 2020 et qu'il sera 20h au moment où nous allons tous et toutes je perds mes mots. Eh bien, en parler sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. George Harrison est mort, vous le savez, le 29 novembre 2001, 58 ans seulement. Donc, eh bien, c'est le moment de lui rendre hommage. Donc, cette saga est une 100% George Harrison. Alors j'avais pensé faire une saga en mode chronologique, et puis finalement je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de tout mélanger pour montrer l'étendue du talent de George Harrison. Donc voici les 5 premières que vous allez entendre dans cette saga en podcast directement. Il y aura Beautiful Girl en 76 sur l'album 33 and One Third. Il y aura Flying Now qui a été réintégré sur l'album Somewhere in England lors de sa remasterisation, mais à l'époque elle faisait partie des sessions, elle avait été refusée de l'album. Il y aura True Love sur l'album encore 33 and One Third, c'est une reprise de Cole Porter, mais j'aime beaucoup cette chanson, j'avais envie de vous la reproposer. Et puis sur Gone Tropo, en 1982, il y aura Dream Away. Est-ce que vous voulez encore une de plus? Allez, juste pour vous faire plaisir. Avec les Beatles, on va chercher une vieille chanson du temps des pré-Beatles. C'est sorti sur l'album Anthology en 1995. Ce sera George Harrison qui chante The Shake of Arabic. Voilà, et bien là. Il est temps de se mettre en mode George Harrison pendant 2 heures et un petit plus, puisque on est en mode podcast. Je vous souhaite une excellente soirée. Rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Première chanson, Beautiful Girl, George Harrison, sur RIG en temps normal, dans La Saga des Fab Four. We'll be right back. Never seen such a beautiful girl. tout à l'heure en présentation, la troisième chanson, c'est True Love, une chanson de Cole Porter en 1956 pour le film High Society, Haute Société si vous préférez. La chanson écrite par Cole Porter a été chantée par Bing Crosby et Grace Kelly à l'origine dans ce film-là. La chanson a été nommée aussi pour l'Oscar de la meilleure chanson originale de 1956, mais a perdu face à Que sera, sera, whatever will be, qui a été interprété dans le film L'homme qui en savait trop par Doris Day. Les reprises de cette chanson, il y en a une par exemple de connue de Ricky Nelson sur l'album Reggae en 1957, et puis celle-ci de George Harrison en 1976 sur l'album 33 and One Third. Voici la chanson. Treasures Quelque part, George Harrison essaie d'imiter John Lennon. Orai nae, orai nae, orai nae ki oule, kaliou laoui, orai nae. Quelque chose comme ça, hein, c'est deux têtes. C'est une chanson qui a été composée en 1981 pour le film de Terry Gilliam des Monty Python, le film Bandit Bandit. Il est sorti en 1982 sur l'album Gone Tropo et exclusivement en single au Japon, mais il n'est pas rentré dans les charts. On comprend un peu, c'est pas forcément la meilleure chanson ni le meilleur album de George Harrison en 1982. Mais enfin bon, nous faisons la fête pour George Harrison qui est mort en novembre 2001 et nous lui rendons hommage avec un 100% George Harrison, avec quelques invités quand même. Il y aura Eric Clapton, il y aura forcément les Traveling Wilburys, il y aura Sam Brown et Jeff Lynne du groupe Electric Light Orchestra. Donc voilà. Voilà que maintenant je vais vous conseiller la meilleure chose pour tout savoir sur les Beatles, c'est d'aller sur le Beatles Magazine tenu par Lovely Rita. Qui est Lovely Rita ? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Let's go. Well, Joués sur scène au Cavern Club, les Beatles reprennent cette chanson en 1962 lors de leur infructueuse audition chez Decca Records. George Harrison s'occupe du chant principal et de la guitare solo, Pete Best de la batterie, John et Paul McCartney font les chœurs et jouent respectivement de la guitare rythmique et de la basse. Le groupe a calqué leur version sur celle enregistrée en 1961 par Joe Brown and the Brewers. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais ça doit être comme ça. Et vous pouvez avoir ce morceau sur l'anthologie 1, sortie, je vous l'ai dit, en 1995. Vous en voulez encore ? En voici une autre vieille, Three Cool Cats, toujours par Monsieur George Harrison. Three cool cats, three cool cats. La radio des Beatles. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, half past four. Five women

Aujourd'hui, dans la saga des Fab Four numéro 473 C pour confiner, puisque je l'enregistre à la maison, on rend hommage à George Harrison. Et on ne peut pas rendre hommage à George Harrison sans passer ma chanson préférée, While My Guitar Gently Weeps. Mais je vous propose la prise 27, la troisième version. C'est sur l'album blanc forcément, mais il a ressorti 50 ans plus tard. I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a smokey, and I just. Je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. Sur la ressortie des albums Album Blanc en 2018 et Album Abbey Road en 2019. Il y a eu While My Guitar Gently Weeps, la prise 27, troisième version, et Something, une version studio démo, c'est écrit comme ça. Et c'est vrai que ça, bah, ça apporte un petit plus, c'est assez sympa d'entendre ce genre de truc-là. Pas toujours les mêmes chansons, enfin si, les mêmes chansons, mais dans une version différente, on va dire. Allez, vous écoutez la saga des Fab Four, je suis Thierry Gallet, je l'enregistre depuis la maison et j'espère que ça vous plaît. On est ensemble, probablement, j'espère, le 25 novembre 2020 sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on commente ensemble cette émission qui est la 473e CC pour confiner. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Taxman, yeah. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Un sympathique instrumental de George Harrison qui est réapparu sur le remaster de l'album Cloud Nine en 1987. To they treated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. À l'origine, cette chanson avait un autre set de paroles et était destinée à Ringo. Et lorsqu'est survenu ce qui est survenu en décembre 1980, donc l'assassinat de John Lennon par un imbécile total, eh bien, George Harrison a repris la chanson, il ne l'avait toujours pas donnée d'ailleurs à Ringo, et il en a fait un hymne, un hommage à John Lennon, et pour ce, il a invité Ringo Starr à venir faire de la batterie, et Paul McCartney à venir faire les chœurs, et également jouer des instruments. Avec lui, George Harrison, ça a fait un hit en 1980, je m'en souviens, puisque j'étais aux États-Unis à cette époque-là, et sur toutes les radios, on écoutait les chansons de l'époque de 1980, mais également, très souvent, cette chanson, All Those Years Ago, sur l'album Somewhere in England. Retour aux Beatles, For You Blue. Because you're a sweet and lovely girl, I love you. Because you're a sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment. 'cause you're sweet and lovely, girl. I love you because you're sweet and lovely, girl. It's true. Quelle beauté que cette chanson Give Me Love, Give Me Peace on Earth en 1973 sur l'album Living in a Material World. Je l'ai toujours dit, les Beatles ensemble, magique, les Beatles séparément, quelquefois un peu moins de magie et puis par moments, la magie est là. Sur cette chanson-là, je pense que bah, du temps des Beatles aurait été aussi bien parce que c'est vraiment du très très très très haut niveau de George Harrison. George Harrison, en 1988, a eu envie de s'amuser avec des copains à lui, Bob Dylan, Tom Petty, avec Jeff Lynne, bien entendu, avec, il en manque encore un, qui donc ? Ah oui, Roy Orbison, au début. Tout ça était parti sur le fait qu'il devait faire une phase B. Il est allé chez un copain récupérer une guitare, et puis il est allé ailleurs parce qu'il était avec un des futurs membres. Et puis, enfin bref, globalement, ils se sont amusés à faire ça, et ça a tellement bien marché, surtout qu'ils ne se prenaient pas la tête, il n'y avait pas du tout de conflit d'égo, qu'on a eu le droit à deux albums. Il aurait pu y avoir plus, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Deux albums du groupe Traveling Wilburys. Voici un extrait. You Took My Breath Away, sur l'album 3, qui est en fait le 2, aller comprendre l'humour britannique, parce que sans Roy Orbison, du coup, ils ont estimé qu'ils ont sauté le 2 pour lui rendre hommage. C'est comme ça. You Took My Breath Away, les Traveling Wilburys, dans la saga des Fab Four, numéro 473. C'est pour confiner, vous avez compris. Saga des Fab Four, c'est sur RIG. If you must cling cette chanson « Let it be me », quel dommage qu'ils n'en ont pas fait d'autres. Enfin, je parle de George Harrison, mais quand je dis « ils n'en ont pas fait d'autres », je parle de l'album qui s'appelle... Il faut que je retrouve sur mon graphisme. Voilà, ça s'appelle « Early Takes Volume 1 ». C'est sorti en 2012. Volume 1, sous-entendez qu'il y aurait peut-être d'autres volumes. Et malheureusement, eh bien, on n'en a pas eu d'autres. Je n'en ai pas vu d'autres. Et c'est bien dommage. « Let it be me », c'est une chanson à l'origine, il me semble, de Gilbert Bécaud. C'est « Je t'appartiens » et elle a été chantée notamment par Elvis Presley. Et là, c'est une version démo que George Harrison avait enregistrée et qui n'avait jamais sorti. Avant cet album-là, donc l'album qui s'appelle « Early Takes, volume 1 ». Voilà. On continue à rendre hommage à George Harrison dans cette saga spéciale confinée avec « This guitar can keep from crying », cet extrait de l'album « Extra Texture Read All About It », mais c'est une chanson qu'il a remixée, qu'il a refaite au début des années 2000. Keep from crying.

Et auparavant, c'était un idiot sur l'album Help, le fantastique album de 1965. Voici le premier invité de George Harrison, c'est son pote Eric Clapton, très copain, à tel point qu'Eric Clapton lui a piqué sa femme, il y a un paquet d'années, il y a prescription depuis. Et il nous chante Eric Clapton sur Back Home en 2005, un excellent album que je vous conseille, Love Comes to Everyone, la chanson parue en 1979 chez George Harrison, et en 2005 donc avec Eric Clapton, très belle chanson, la voici. It's so true, it can't it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes, bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile and my heart, they were yours from the start. Pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud de George Harrison en 1987 avec un superbe album. Après 5 ans d'absence, comme John Lennon, tiens, bizarrement, John Lennon c'était de 75 à 80, George Harrison c'était à partir de 82 avec un album relativement moyen, Gone Tropo, et retour vraiment sur le devant de la scène avec ce superbe album Cloud Nine et des potes, hein, il y a Elton John, il y a Eric Clapton, il y en a d'autres qui travaillent avec lui pour faire un très très bon album avec cette chanson Cloud Nine, donc extrait du même album. Je vous propose une autre amie de George Harrison, quelqu'un qui a une voix extraordinaire. Elle s'appelle Sam Brown. Elle a tourné rien que moins qu'avec les Pink Floyd, par exemple. Je l'ai vue, je crois, en 1995 à Bordeaux. Voici Horse to the Water pendant le concert pour George en 1900, enfin, sorti en 2003. Sorti en 2003, pas en 1900, de toute façon. Well, you can take a horse to the

don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. La première chanson écrite tout seul par George Harrison officiellement avec la version Beatles affichée, c'est-à-dire Ringo, George, Paul et John. La version connue des Beatles, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est extrait du deuxième album des Beatles, l'album With the Beatles. Je vous propose, pour continuer cet hommage à George Harrison, deux chansons en guitare acoustique. La première, c'est une chanson, on va dire, qui existe non officiellement, on va dire ça discrètement. Ça s'appelle Cosmic Empire. Et la seconde, elle est connue, c'est une face B, c'est Deep Blue. Et tout ça, c'est dans la saga des Fab Four numéro 473C, c'est pour confiner. I'm waiting in the queue to go to Cosmic Empire. The Cosmic Empire, an omnipresent view down at the Cosmic Empire. The warm truth comes shining clear, it feels right there. The warm worlds all disappear. It shines brighter down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic souls are filled with joy, can't resist the spirit no one can destroy. You find bliss there, down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with Thierry Gale. God help me. keeps me here feeling deep blue. You know I'm deep blue. You know I'm deep blue. It's got me deep blue. You know I'm deep blue. You know I'm deep. Sunshine is not enough to make me feel bright. It's got me suffering the darkness. It's so easy come by on the roadside. One long lifetime. You know I'm deep blue. Got me deep blue. You know I'm deep blue. George Harrison sur RIG, bien sûr, en temps normal pour la saga des Fab Four. Et puis là, en fait, c'est le podcast qui est directement enregistré à la maison et qui vous est proposé sur Dropbox, sur iTunes Podcast, sur Deezer, sur Overcast, voilà, sur plein d'autres choses. Enfin, vous, du moment où vous êtes en train d'écouter, c'est que vous l'avez dans les mains. Et donc, c'est impeccable. L'influence de George Harrison dans la musique des Beatles va croissant au fil des années. Et il est tout d'abord le guitariste solo et un des quatre chanteurs du groupe, puis il se distingue très vite par la qualité de ses harmonies vocales. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. À partir de 65, il introduit la spiritualité, la musique et les instruments indiens dans l'univers musical des Fab Four. Enfin, il compose quelques-unes de leurs plus belles chansons durant les dernières années du groupe, comme « While My Guitar Gently Weeps »,« Something » ou « Here Comes the Sun ». Il est aussi un pionnier dans l'utilisation du synthétiseur Moog dans la musique rock. À mesure que son talent de compositeur s'affirme, sa frustration de se trouver dans l'ombre du tandem Lennon-McCartney grandit, contribuant aux dissensions qui vont conduire, entre autres, à la séparation du groupe en 1970. Je vous ai dit qu'il avait introduit de la musique indienne dans les instruments indiens, voilà, dans l'univers musical des Fab Four. En voici une preuve. En 1967, Within You, Without You, sur Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Oh, Est-il que les rires avaient été ajoutés à la chanson histoire de radoucir un petit peu le sujet pour montrer que tout cela n'était pas bien sérieux. Et puis juste après, il y a « When I get older, losing my head, many years from now, head to hair ». Hair, je pense. Je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave. On rend toujours hommage à George Harrison dans cette saga qui a débordé des deux heures, il me semble. D'après l'enregistrement, on en est un petit peu plus loin. Oh, il nous en reste, allez, une, deux, trois, quatre, cinq chansons. Et encore, j'ai rajouté la cinquième pendant l'enregistrement parce que j'ai trouvé que c'était bien de finir comme ça. Allez, on déborde un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Voici, tout comme on ne pouvait pas passer à côté de While My Guitar Gently Weeps pour George Harrison, on ne pouvait pas passer à côté de My Sweet Lord. La voici sur l'album All Things Must Pass en 1970.

dernier album enregistré par George Harrison. Il est sorti post-mortem en 2002. L'album s'appelle Brainwashed. On sent que la voix est différente. Hein. On sent qu'il est, il est touché parce qu'il est mort d'un cancer, malheureusement. Mais il nous a laissé son œuvre et on va continuer à l'écouter dans la saga des Fab Four autant que faire se peut. On a bientôt terminé la saga des Fab Four numéro 473 directement en podcast. Voici les trois dernières chansons. D'abord, une phase B. C'est Lay His Head, rejeté des sessions de l'enregistrement Somewhere in England en 1981, et c'est bien dommage, car c'est une belle chanson. Ensuite, il y aura Jeff Lynne qui rendra hommage à George Harrison avec Handle With Care, mais chanté en live à Wembley avec son groupe Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, son copain depuis longtemps. Il dit, voici une chanson de mon ancien groupe, les Traveling Wilburys. Et c'est Handle With Care. Been beat up and battered around. Been sent up Et la dernière chanson pour rendre hommage à George Harrison, c'est Joe Brown qui la chante dans le concert pour George. Il dit « On se reverra en rêve ». Enfin, « Je te reverrai dans mes rêves » pour être exact. « I'll see you in my dreams ». Long. Twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still, I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. Merci, George Harrison. C'est terminé, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, ce qui est bizarre, c'est que au moment où j'ai enregistré cette émission, on est encore loin dans le confinement. Vous allez entendre cette émission le 28, le 25, ah le 25, oui, le 25 novembre. Bon, alors est-ce qu'on sera libre la semaine suivante? Je ne sais pas. Donc soit on se retrouve en version confinée comme aujourd'hui, comme les jours précédents, soit on se retrouve à la radio. Je ne sais pas, on verra plus tard. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four, numéro 473, en confiné. À très très bientôt, ciao. code.